14-23, observation. Vivre et habiter. Le père de Robert n'est pas mort. Il vit toujours. Il est vivant. Il est en vie. Mireille vit à Paris. Elle vit avec ses parents. Elle vit chez ses parents. Elle habite à Paris. Elle habite avec ses parents. Elle habite chez ses parents. Elle habite rue de Vaugirard. Elle habite au 18 rue de Vaugirard.